طيب on va commencer inshallah notre cours de sifat là on est dans le chapitre sifat salat al-nabi mais c'est le livre Umdat al-Ahkam donc na'am on va commencer bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 46 dans l'explication de Umdat al-Ahkam. On est maintenant arrivé à l'explication du hadith numéro 89 dans Umdat al-Ahkam et on est le hadith comme je disais c'est, on est dans le chapitre de Sifatu Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous reste quelques hadiths encore, peut-être 4 hadiths à étudier pour terminer ce chapitre. Sauf que c'est un charh de Cheikh Abdullah al-Bassam et le livre, malgré que l'explication est quand même résumée et simple, c'est toujours quand même exigeant, très exigeant. Moi, c'est ce que je ressens lorsqu'on fait des cours sur le hadith ou sur le fiqh. C'est pas comme, je sais pas, c'est pas comme les autres sujets. Ça demande plus d'énergie pour moi de faire un cours sur le hadith ou sur le fiqh que de faire un cours sur un sujet qui a rapport avec la aqida ou le manhaj. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai remarqué depuis longtemps que je fais des cours sur ces sujets-là. À chaque fois, quand je termine un cours comme ça sur le fiqh ou sur le fiqh du hadith, yani, même si le dars il est pas long, mais quand j'ai terminé, je me sens complètement brûlé et épuisé. Yani, subhanallah. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être le sujet ou la... Yani, Allahu a'lam. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à faire des cours plus légers, disons moins longs, quand je fais des cours sur le fiqh ou sur le hadith, que lorsque je fais des cours... sur d'autres questions qui ont rapport avec l'aqid al-manhaj. Une des raisons pour ça, d'après moi, wallahu a'lam, c'est ça que je discutais avec des frères l'autre fois, c'est que l'aqid al-manhaj, c'est quelque chose qui est clair, qui est dans le sens, quand je dis que c'est clair, c'est dans le sens que il y a pas de divergence dans ces questions-là. L'aqid al-manhaj, c'est qala Allah, qala Rasulullah. Et qu'est-ce que les sahaba ont dit et les ulama, ils ne divergent pas sur ces questions-là, c'est clair. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu lis dans les textes et qu'est-ce qui est dit, c'est ça la vérité et tu t'arrêtes à ça, c'est clair. Tandis que dans le fiqh et dans le hadith, tu peux trouver des divergences entre les ulama, tu peux trouver des différentes compréhensions entre les ulama. Tu peux trouver toutes sortes de questions comme ça qui ont rapport avec ça. Ça fait que ça demande beaucoup d'énergie justement à étudier ces questions-là, à les comprendre correctement, à comprendre les raisons de la divergence, à réunir les textes lorsqu'il y a possibilité de les réunir ensemble. Et disons que peut-être que pour ces raisons-là, ça demande plus d'énergie, hein, pour enseigner puis étudier ces sujets-là. Yani, wallahu a'lam, ça c'est une des raisons probablement. Sinon, les autres, peut-être qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, bon, ça ne me vient pas. Bon, le hadith 89, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Malik ibn Buhayna. ibn Buhayna. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرج بين يديه إذا كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. Donc c'est rapporté selon Abdullah ibn Malik ibn Buhayna radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la salat, il écartait ses deux mains hein, ses bras de chaque côté de son corps jusqu'à ce que nous pouvions, hein, ou jusqu'à ce qu'apparaisse la blancheur de ses aisselles. La blancheur de ses aisselles, c'est-à-dire il y en a sous les bras. Donc ça veut dire que lorsqu'il faisait le sujoud, il écartait ses deux bras de chaque côté de son corps jusqu'à ce qu'on puisse voir la blancheur de ses aisselles. Ça veut dire que il ne se prosternait pas les deux bras fermés comme ça. À moins qu'il y ait des gens à côté. Donc là, dans ce cas-là, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat, en général, il priait toujours comme imam. Donc il est devant, donc il n'y a personne à côté. Donc il écartait toujours ses mains. Ou bien lorsqu'il faisait les prières surérogatoires, lorsqu'il prie tout seul, même les sahaba. Et donc dans ce cas-là, il n'y a personne à côté, donc ils peuvent écarter leurs bras. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith authentique. Et le Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, il dit « Kanat salatun nabi sallallahu alayhi wa sallam salata raghbatin wa nashat » وكان يعطي كل عضو حقه من العبادة ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه كل ذلك عنوان النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة وتباعدا عن هيئة الكسلان الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض فيزيل عن بعضها عناء العبادة. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière c'était une prière d'amour, c'est une prière d'énergie, d'activité, c'est-à-dire d'action. Il était actif dans sa prière et il donnait à chaque membre de son corps son droit dans l'adoration qu'il faisait. Et c'est pour ça que lorsqu'il faisait la prière et qu'il faisait la prosternation, le sujoud, eh bien, il écartait ses bras de chaque côté et il les écartait à un tel point que on pouvait voir paraître ses aisselles. Et il dit que tout ça montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était actif dans sa salat. Et comment il faisait sa salat avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment il s'écartait de tout ce qui donnait l'apparence ou l'état de paresse. Hein, de se laisser aller ou de se relâcher, hein, le corps. Non, il était toujours, disons, plein d'énergie et... Il montrait, on voyait dans sa prière qu'il était en forme et qu'il priait avec énergie, avec détermination, avec ferveur. Et il ne laissait rien de ses membres relâcher. Après le cheikh, il dit « Wa ma yu'khadu min al-hadith fihi dalilun ala istihbab hadhihi al-ay'ati fi al-sujud » وهي مباعدة عضوية مباعدة عضديه عن جنبيه وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم في حديث البراء يرفعه وهو إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك فضع كفيك وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق لكنه في هذا الحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيختص التفريج بحال السجود. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith par rapport aux règles de la salat, c'est qu'il y a dedans la preuve qu'il est recommandé, lorsqu'on est dans la position du sujoud, d'écarter les membres de chaque côté de notre corps. Et que ça, c'est spécifique au sujoud, à la prosternation. par rapport au hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Al-Bara et qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mentionne que lorsque tu te prosternes, alors place tes mains par terre et soulève tes coudes, soulève tes coudes. Et donc ça c'est un hadith qui est général, hein? C'est un hadith, le hadith qu'on a lu maintenant, le hadith 89. Il est général dans le sens qu'on n'a pas spécifiquement mentionné le sujoud dedans. C'est-à-dire le hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Malik, il ne mentionne pas spécifiquement le sujoud dedans. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la salat, il écartait ses mains jusqu'à ce qu'on voit la blancheur de ses aisselles. Sauf que il n'y a pas la mention du sujoud spécifiquement, donc ça pourrait être interprété comme étant dans le ruku' par exemple, ou des choses comme ça. Toutefois, dans l'autre hadith qui est rapporté selon Al-Bara, il est spécifiquement mentionné que lorsque tu te prosternes, alors c'est clair que la question d'écarter les membres ou d'écarter les bras de chaque côté du corps, que ça c'est spécifiquement relié à la prosternation, au sujoud en arabe. On dit prosternation, c'est as-sujoud. Et une prosternation, on dit sajda, hein, sajda. Et le verbe sajada, yasjudu, hein, c'est-à-dire il s'est prosterné. Et le deuxième point qu'on peut tirer de ce hadith, fi dhalika hikamun kathiratun wa fawaid jasima. ومنها إظهار النشاط والرغبة في الصلاة ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه أخذ كل عضو حقه من العبادة. Donc le cheikh il dit il y a plusieurs sagesses dans le fait de faire cela, le fait d'écarter les bras lorsqu'on se prosterne, et des bienfaits, hein, immenses. Et parmi ceux-là, le fait de montrer l'énergie, hein, et l'entrain dans la prière, dans la salat, et de montrer que on est, disons, fervent dans cette prière-là, qu'on la fait avec énergie, avec dévotion. Puis en même temps, le fait que chaque membre dans la prière prend son droit ou prend sa part de récompense dans cette adoration-là. Et il dit وفائدة خاصة بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة في الحكم بالرجل دون المرأة لأنه يطلب منها التجمع والتصون لما روى أبو داود في مراسيله عن يزيد بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست كالرجل. الشيخ المانسيان الفائدة ici, c'est que il dit que ça c'est pour certains fuqaha, ils ont spécifié que cette règle s'applique spécifiquement aux hommes et non aux femmes. Et que pour les femmes, il est préférable pour elles de rapprocher les membres du corps ensemble pour pouvoir se préserver mieux. Et une des raisons de ça, c'est qu'il se base sur une narration qui est rapportée dans les Marasil de Abu Dawud, selon Yazid ibn Habib, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux femmes qui étaient en train de faire la salat. Et il leur a dit, lorsque vous faites la salat, hein, lorsque vous faites toutes les deux la salat, rapprochez, hein, certaines parties de votre corps ensemble, hein, parce que la femme n'est pas comme l'homme. C'est ça ce qu'il a dit. Ça c'est une narration, toutefois, Allahu a'lam, si c'est dans les marasil, le hadith mursal, c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et certains ulama ont mentionné qu'il n'y a pas de distinction dans les positions de la prière, Hein, c'est pour ça que le cheikh il mentionne ici que certains fuqaha ont mentionné ça, et parmi eux les fuqaha du madhhab al-hanbali, d'accord, qu'ils mentionnent ce genre de choses là. Et même j'ai vu ça dans des livres, par exemple des ahnaf aussi, ceux qui donnent les livres pour enseigner aux gens comment faire la salat, puis ils mettent dans le livre des photos pour enseigner comment faire la salat. Puis, c'est des enfants, bien entendu, dans le livre. Et ils mettent, par exemple, la petite fille qui prie, qui colle son corps ensemble quand elle fait la prosternation. Elle est comme repliée sur elle-même, comme une boule. Puis les bras collés. Et en tout cas, donc ils mentionnent comme si en voulant dire il faut que la femme, elle s'écarte pas les membres. Les bras et le corps de la même manière que les hommes, et ça c'est pas supporté par aucune preuve authentique à ce sujet là donc Cheikh Al-Albani, je pense qu'il a mentionné ça dans son livre Sifat Salat al-Nabi, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon générale, il dit sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et il n'a pas distingué ou fait de distinction entre la façon de prier pour une femme ou pour un homme. Il a dit aux hommes et aux femmes, priez comme vous m'avez vu prier. Que ce soit pour un homme ou une femme, c'est la même chose. Wallahu ta'ala a'lam. Le hadith numéro 90, le hadith at-tis'oun, an Abi Maslama, Sa'id ibn Yazid, قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. Le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Maslama, Saïd ibn Yazid, il a dit, j'ai demandé à Anas ibn Malik رضي الله عنه, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat dans ses sandales? Il a répondu oui. Il priait avec ses sandales. Il dit donc la signification de ce hadith, il dit sa'ala Yazid, sa'ala Sa'id ibn Yazid Anas ibn Malik radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akana yusalli fina alayhi liyakuna lahu qudwatan fihi, fa ajabahu Anas na'am kana yusalli fina alayhi wa anna dhalika min sunnatihi al-mutahara. Donc Saïd ibn Yazid, il demande à Anas ibn Malik, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans ses sandales? Il demande pour que ce soit un modèle, un exemple pour lui. Et il lui répond, c'est-à-dire Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il lui répond en disant, oui, il a prié avec ses sandales. Et donc, ça fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de prier dans ses sandales. Même qu'il y a des hadiths qui mentionnent que, comme on va les mentionner, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soyez différents des juifs, priez avec vos sandales. Et le cheikh, il mentionne donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme règle dans ce hadith-là. استحباب الصلاة في النعلين حيث كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Premièrement, il est recommandé de prier avec les sandales, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم priait avec les sandales. Deuxièmement, جواز دخول المسجد بهما بعد تنظيفهما من الأقدار والأنجاس. Deuxièmement, il est permis de rentrer dans la mosquée avec les sandales, à condition bien sûr qu'elles soient nettoyées et propres et qu'il n'y ait pas d'impureté ou de saleté dessus. Bien entendu, les ulama, ils ont mentionné que si par exemple le cheikh il le mentionne aussi, que si dans les mosquées il y a des tapis, hein, à notre époque par exemple il y a des tapis dans les mosquées, alors dans ce cas-là, c'est mieux de pas prier avec les sandales, les chaussures dans les mosquées, parce que ça va ruiner les tapis. Et les tapis, ça coûte cher, et en même temps, c'est difficile de nettoyer. Alors si quelqu'un rentre de dehors avec ses souliers dans la mosquée, surtout quand il y a de la pluie dehors, eh bien c'est certain que ça va être une catastrophe. Non, non, la mosquée c'est la salle de prière. La mosquée c'est là où on prie. Et donc par exemple il y a des mosquées où, comme par exemple à Mecca, il y a des endroits où il y a du marbre partout, du marbre. Tu peux marcher là où il y a le marbre avec tes chaussures, avec tes sandales, il n'y a pas de problème. Je me rappelle à l'époque, les gens ils se fâchaient lorsqu'ils voyaient quelqu'un avec des sandales ou avec des chaussures à l'intérieur de la mosquée. Maintenant ça commence à être un peu plus accepté parce que les gens comprennent que certaines personnes ont mal aux pieds, ont des problèmes aux pieds, ils ne peuvent pas marcher nu pieds. Donc ils vont marcher soit en chaussettes ou bien avec des sandales ou bien des chaussures. Et même les gardiens de sécurité, les gens qui s'occupent de l'entretien dans la mosquée, ils ont tous leurs sandales à l'intérieur. Parce qu'il y a des endroits dans la mosquée Al-Haram à Mecca ou bien à Médine où il y a du marbre, il n'y a pas de tapis. À ces endroits-là, tu peux marcher. Si c'est possible, à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Moi, quand je faisais le tawaf, par exemple, à Mecca, je marchais avec mes sandales à l'intérieur parce que j'ai mal aux pieds. D'accord ? Mais des endroits où il y a le tapis, alors dans ce cas-là, tu ne marches pas avec tes sandales, tu ne marches pas avec tes chaussures, tu vas salir. Hein? Et donc, il faut éviter ça. Mais dans les autres mosquées dans lesquelles il n'y a que du tapis partout à l'intérieur, là, tu ne mets pas tes chaussures. Il y a des frères, mais je me rappelle, même moi, je suis allé prier une fois à Philadelphie, dans la mosquée des frères là-bas, Salafi. Et les frères, ils étaient tellement, comme s'ils voulaient tellement suivre la sunna. Et surtout que Cheikh Mukbil, rahimahullah, il avait écrit un livre justement sur le fait que la sunna, c'est de prier avec les sandales. Et beaucoup des frères qui avaient étudié au Yémen, ils revenaient justement aux États-Unis avec cette détermination-là de dire « Oui, nous, on veut faire ça, donc on veut faire revivre la sunna. » Alors, ils rentraient dans la mosquée avec leurs chaussures. Puis, bien entendu, le tapis était ruiné en peu de temps. Hein? Donc, les frères, après, ils ont compris. Puis, Cheikh Mohamed Aman, il a fait un rappel là-dessus aussi dans son explication. Je ne me rappelle plus si c'était Al-Usul Salasa ou un autre dars. Il a parlé de ce sujet-là. Ou bien dans Adab al-Mashi la Salat. En tout cas, il a parlé de ça. Puis il a expliqué que maintenant, il faut tenir compte de ça. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, anna ghalabat adh-dhann fi najasatihima la tukhrijuhuma an asli at-taharati fihima. C'est-à-dire que la règle, il y a une règle dans la religion, c'est que il y a une règle dans la question de des adorations, puis dans la question de la pureté, c'est que à la base tout est pur jusqu'à preuve du contraire. À la base tout est pur jusqu'à preuve du contraire. Comme on dit aussi que à la base tout est halal jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire il faut une preuve. Pour établir que quelque chose est interdit ou haram en islam, il faut une preuve dans le texte du Coran et de la Sunna. La même chose pour la pureté. La base, c'est que c'est la pureté. Tout est pur, jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Donc, ça s'applique aussi aux choses. Par exemple, tu vas dire, un tapis, il est pur, jusqu'à ce que tu aies la preuve qu'il y a quelque chose qui l'a rendu impur ou qu'il est impur. D'accord ? Et il dit que c'est la même chose pour les sandales. Tes sandales, elles sont pures jusqu'à preuve du contraire. Et donc tu te bases sur, comme le cheikh il dit, ghalabatu dhann. Qu'est-ce qui est le plus probable? Qu'est-ce qui est le plus probable? C'est qu'elle est pure. Et ça ne le fait pas sortir de cette base-là, le fait que tu dis la probabilité, la grande probabilité, c'est qu'elle soit pure. Donc, si tu dis ça se pourrait qu'il y ait une impureté, ça ne le fait pas sortir de la règle de base que c'est pur. se dit, ah, il y aurait peut-être une impureté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné quoi faire si, lorsqu'on rentre à la mosquée avec nos sandales. Il a dit que lorsque, par exemple, tu rentres à la mosquée pour prier, tu regardes sous ta sandale, si tu vois rien, hein, tu peux rentrer avec. Et il a dit aussi que la purification des sandales, c'est de les frotter dans la terre ou le sable. Hein, tu les frottes dans la poussière comme ça, ça les purifie. Donc tu n'as pas besoin de les laver à chaque fois si tu les frottes. Ça, c'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour purifier les sandales. Sauf que il faut prendre en considération une chose très importante. C'est quoi? C'est que les sandales que les gens portaient à l'époque, le dessous était lisse complètement. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose d'impur ou de sale en dessous, juste en frottant comme ça par terre, ça allait les nettoyer et purifier la sandale. Les chaussures d'aujourd'hui que les gens portent, surtout les tennis ou comment vous appelez les baskets, hein, les baskets et les autres sandales, même elles ont des semelles dans lesquelles il y a des crevasses, il y a des schémas, des dessins, des lignes profondes. Et parfois les impuretés peuvent s'incruster à l'intérieur parce que ici, surtout dans les pays non musulmans, vous savez que les gens, ils ont des chiens, ils se promènent avec ça, et puis leurs chiens, ils font leurs besoins parfois sur le trottoir ou dans la rue. Peut-être les gens marchent là-dedans et ils s'en aperçoivent pas. Ils vont rentrer dans la mosquée avec des impuretés à cause de ça. Donc il faut pas qu'ils marchent avec les chaussures dans le tapis. Même si ils vont frotter ça sur le sol, hein, pour les purifier dans la terre ou quoi, ça va pas enlever les impuretés qui sont incrustées à l'intérieur de la semelle. Ça, pour faire ça, il faudrait vraiment prendre une brosse, hein, avec de l'eau, puis vraiment frotter, hein, pour enlever tout. Et ça, c'est compliqué, et puis tu peux faire ça à chaque fois que tu vas rentrer à la mosquée. Donc, dans ce cas-là, pour éviter ça, à moins que quelqu'un il a des sandales qui sont vraiment lisses et propres, dans ce cas-là, ok, mais sinon, vérifiez en dessous pour être sûr qu'il n'y a rien. Et le cheikh il dit ensuite fa'ida. C'est ça la fa'ida justement que le cheikh il mentionne à ce sujet-là. النعال الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مشكلة أصبحت مسألة مشكلة أصبحت مسألة مشكلة فسنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه وأنه من السنة التي ينبغي المحافظة عليها فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن شداد بن أوس خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقذار. يعني le cheikh il dit la prière dans les sandales et de rentrer dans la mosquée dans les sandales, c'est devenu quelque chose qui cause des problèmes, une question problématique, parce que ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est quelque chose de clair et d'explicite. Il y a même c'est clair et explicite que c'est permis de le faire. Il y a même des hadiths qui mentionne que c'est recommandé de le faire et que cela fait partie de la sunna et qu'il faut préserver cette sunna. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme c'est rapporté selon Abu Dawud, selon Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le contraire ou distinguez-vous des juifs, faites le contraire des juifs, parce que eux ils prient sans leurs sandales ni leurs chaussettes, alors distinguez-vous d'eux en priant avec vos sandales et vos chaussettes ou al-khifaf. Et il dit également, comme c'est rapporté aussi par Abu Dawud selon Abu Sa'id al-Khudri, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde ses chaussures. Et s'il voit sous ses sandales des saletés ou quelque chose qui n'est pas bon, qu'il l'essuie ou qu'il le frotte ses chaussures par terre, ses sandales par terre, et qu'il prie dedans et qu'il prie avec. Et il y a beaucoup d'autres textes parmi les hadiths authentiques explicites qui indiquent la légitimité et la permissibilité de prier dans les sandales, avec les sandales, après les avoir nettoyées des impuretés ou des saletés. D'accord? Le cheikh il dit, et ça c'est un point ici que le cheikh il mentionne, c'est important, mais en même temps aussi pour comprendre que pour beaucoup de musulmans, si quelqu'un voudrait mettre cette sunna en pratique, certains musulmans du commun, ça serait pour eux une grande offense de voir quelqu'un rentrer dans la mosquée avec des sandales ou avec des chaussures dans ses pieds. Pour certains, ce serait un manque de respect total et absolu envers la mosquée, même s'il n'y avait pas de tapis. Parce que dans leur esprit, maintenant, c'est devenu la règle qu'on ne doit pas prier avec des chaussures ou avec des sandales. Toutefois, lorsque quelqu'un est dehors, même des fois quand on est dehors, on prie dans la rue ou bien on prie dans un parc ou on prie dans un endroit ouvert dans la rue où il n'y a pas de tapis, et puis tu vas prier avec tes sandales, tu vas voir, la plupart des gens ils prient pas avec leurs sandales dehors, ils vont les enlever avant de prier, même si c'est propre, même si leurs chaussures sont propres, même si leurs sandales sont propres. Pourquoi? Parce que les gens ont oublié cette sunna, ils ne savent plus que ça fait partie de la sunna. Donc ils vont prier dehors, dans un endroit où il n'y a pas de tapis, et vient le temps de la salat, alors ils vont tous se mettre en rang, chacun va enlever ses chaussures, tout le monde va prier nu-pied, ou bien avec les chaussettes. Alors que dans un contexte comme ça, c'est le moment idéal de mettre en pratique la sunna, et de prier avec les sandales ou avec les chaussures à ce moment-là, si elles sont propres. Mais pour les gens du commun qui voient ça, ça, ce serait un sacrilège, quelque chose d'impensable. Et même, je me rappelle à l'époque, il y a peut-être 20 ans en arrière, lorsque on faisait, par exemple, la Umrah, et que quelqu'un portait des sandales dans le Masjid al-Haram à Mecca, et bien souvent on se faisait interpeller par des gens, et ça, même Cheikh Mokbel, il le mentionne dans son livre. Il le dit, des gens vont te dire, Astaghfirullah, qu'est-ce que tu fais? Comment ça tu marches ici avec tes sandales? Pourquoi? Parce qu'ils ont l'idée que sur cette terre, qui est une terre sainte, il ne faut pas marcher avec les chaussures. Pas seulement dans la mosquée, même à l'extérieur. Certains, tu vas les voir, ils insistent qu'ils doivent marcher nu-pied partout, même dehors. Parce que c'est la terre, soi-disant, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché, et les sahaba aussi. Sauf que les sahaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba marchaient avec leurs sandales à cet endroit-là. Et les tabi'in aussi, et les tabi'in, et les grands, tous les imams de la sunna, ils ont toujours marché à cet endroit-là avec leurs sandales. Même on dit qu'ils faisaient le tawaf même avec un âne à l'époque, à l'intérieur autour de la Kaaba. Ils montaient sur le dos d'âne ou sur le dos de chameau, ils faisaient le tawaf. Comme ça. Donc, les gens aujourd'hui, ils ne seraient pas capables de supporter ça. Hein? Bon, maintenant, il y a les petites voitures. Maintenant, ils ont mis des petites voitures sur un balcon, un des balcons du haram pour les gens handicapés ou les gens qui ont des difficultés à marcher. Il y a des petites voitures. C'est pas des voitures, mais c'est comme des, comment je pourrais dire, c'est comme des petits scooters là, hein, que tu peux louer pour faire le tawaf si tu as de la difficulté à marcher. Donc c'est bon pour les personnes âgées, c'est bon pour les handicapés, c'est bon pour ces gens-là qui ont des facultés, disons leur mouvement, ils ont pas l'aptitude de bouger facilement ou de marcher facilement. Donc ça c'est parfait. Donc ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Il n'y a rien de mal là-dedans. Il dit, oui, tu voulais poser une question? Non, la parole ne change pas. Si eux, ils changent, nous, on ne change pas. Parce que ça, c'était à la base. Tu vois, c'était à la base. Oui, c'est ça. C'est comme, par exemple, le prophète Sansoum, il a dit, faites le contraire des juifs, faites le contraire des chrétiens, faites le contraire des majus. Hein? Laissez pousser la barbe, couper la moustache. Bon, encore aujourd'hui, tu vois que les juifs, ils laissent pousser la barbe. Même à l'époque, ils laissaient pousser la barbe. Mais pourquoi il dit ici, faites le contraire des juifs? Parce que les juifs, eux, ils coupent pas la moustache. Tu vois, les juifs, par exemple, ils laissent leur barbe, ils laissent leur moustache pousser très long. Même des fois, ça couvre sa bouche. Hein? Ça couvre, ça va sur ses lèvres. Donc, il y a toujours des saletés là-dedans. Le prophète Sansoum, il a ordonné de couper la moustache. Pas de raser. Hein, raser, ça, c'est interdit. Mais couper la moustache, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit pas plus longue que la lèvre. Hein? Et pour les majus, eux, c'est le contraire. Ils laissaient pousser la moustache très très longue et ils rasaient la barbe. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné le contraire de ça. De laisser pousser la barbe et de couper la moustache courte. Oui, ça c'est une narration selon Ibn Omar, qui disait qu'il coupait en dessous de deux points. Et ça c'est certains ulama ont dit ça, c'est il a fait ça comme c'est un ijtihad qu'il a fait. Et toutefois, quand on retourne à la sunna, il y a rien qui mentionne de couper la barbe du tout. C'est-à-dire, il y a rien qui permet ou qui justifie de couper la barbe ou de la diminuer. Donc la sunna, c'est de la laisser et de pas enlever. Même la plupart des gens qui disent le en dessous du point là, ben tu vois qu'ils coupent bien en haut du point. Je pense qu'ils coupent pas en dessous du point, ils coupent en haut du point. Puis ils disent qu'ils coupent en dessous du point parce que s'ils pouvaient faire une poignée avec leur barbe puis qu'ils coupaient en dessous là, c'est juste des petits poils qui dépasseraient seulement, à moins qu'ils aient vraiment une longue barbe. Et que là, dans ce cas-là, s'ils couperaient en dessous, il y aurait quand même une longue barbe quand même qui resterait. Mais beaucoup de gens qui parlent de couper en dessous du point ou d'une poignée, et qu'ils se basent sur la parole de Ibn Omar à ce sujet-là, c'est comme ça a été mentionné par Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz et d'autres. Ils ont dit ça, c'est dans ces questions-là, lorsqu'il y a une contradiction ou divergence entre la sunna et la parole d'un sahabi, on revient à la sunna et on laisse la parole du sahabi. D'accord? Wallahu a'lam. Et le cheikh, il dit ensuite, وَأَمَّا الْعَامَّةِ وَبَعْضَ الْمُتَعَصِّبِينَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ فَيُجَادِلُونَكَ فِي ذَلِكَ. Le cheikh dit, en ce qui concerne le commun des musulmans, musulman ordinaire, hein, qui n'a pas étudié la religion, et certains fanatiques parmi les étudiants de science, certains parmi les fanatiques parmi les étudiants de science qui sont bornés là, il vient d'apprendre une sunna aujourd'hui là, et il veut faire tout à la lettre, et il pense que il va mettre en application cette sunna. Peu importe qu'est-ce que les gens vont dire, et peu importe les conséquences de cette action-là. Alors il va rentrer dans la mosquée avec ses chaussures ici, là, il va prier sur le tapis avec ses chaussures, même s'il y a de la pluie dehors, il va salir tout le tapis. Puis quand les gens vont dire, Ari, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ari, ça c'est la sunna. Moi j'applique la sunna. Je fais revivre la sunna. Ari, c'est pas comme ça. Taqillah. Hein? C'est pas comme ça. Hein? Il faut retourner aux explications. Qu'est-ce que les ulama ont mentionné par rapport à ça? Et eux, ils ont mentionné justement cette question-là. Donc le cheikh, il dit, donc quand tu vois ces gens-là, les gens du commun qui vont disputer avec toi parce que tu mets la. Les sandales, dans des endroits où il n'y a pas de tapis par exemple, et que tes sandales sont propres, ils ne veulent pas que tu pries avec tes sandales, même si ça fait partie de la sunna. Et les autres qui ne tiennent pas compte du fait qu'il y a du tapis justement, et qui veulent absolument les mettre, même si ça va détruire le tapis ou salir la mosquée, ça ne dérange pas pour eux. Parmi certains tolab el, et ça j'en ai vu, j'en ai vu des frères comme ça. Donc il dit, ils vont disputer avec toi. ويرون أن إحياء هذه السنة من الكبائر التي لا يسكت عليها وإذا أوردت عليهم هذه النصوص قالوا هذا في وقت دون وقت وزمن دون زمان أو زمن دون زمن كأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بعدها من نسخها وبدلها ودروا أنها شريعة الله إلى أن يرث الأرض وما دروا أنها شريعة الله أنها شريعة الله التي أنها شريعة الله إلى أن يرث الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره مما تركه أو فعله مما تركه أو فعله لا يمس جوهرة الإسلام أن ينظر فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرا أكبر من مصلحته فليراعي المصالح فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة الخاصة أو الراجحة على المفسدة. Donc le cheikh il a bien expliqué. Il a dit certains considère que le fait de faire revivre cette sunna, c'est un grand parmi les grands péchés. Il ne faut pas se taire à ce sujet-là. Et quand tu leur ramènes les textes à ce sujet, ils disent non, ça c'était à une époque, maintenant ça ne s'applique plus. Hein? Le fait de prier avec les sandales ou avec les chaussures. Et il dit, le cheikh, c'est comme si pour eux, yani, la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu après lui pour la changer ou pour l'abroger. Et ils n'ont pas réalisé que la sunna fait partie de la sharia d'Allah et qu'elle va rester jusqu'à la fin des temps. Mais il convient de mentionner que celui qui veut suivre la sunna à ce sujet ou à d'autres sujets parmi les choses qu'on délaisse ou les choses qu'on doit faire et qui ne tiennent pas du cœur ou du cœur de l'islam ou des choses fondamentales de l'islam d'analyser la situation et de voir que si le fait de faire ou de délaisser quelque chose va causer un grand trouble et une fitna et du mal plus grand que le bienfait qui va en découler, alors dans ce cas-là de revenir au bienfait. Et il dit parce que dans la religion, il faut toujours tenir compte du bienfait pur ou plus grand qui a le dessus sur le méfait. D'accord ? Donc si par exemple tu vois une situation dans laquelle tu vas faire quelque chose, mais si tu le fais, tu vas causer un grand problème, un méfait immense et que le bienfait que tu risques d'en retirer va être oublié ou perdu par rapport au mal qui va en découler. Donc tu regardes dans ce cas-là et tu fais ce qui ramène le plus grand bien et tu éloignes le mal. Donc c'est ça qui est important aussi, de comprendre, comme les ulama ils disent, al-masalih wal-mafasid, et de comprendre les règles qui sont reliées à ça. Et les ulama, ils disent parmi les règles de la sharia, dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Repousser un mal a précédence sur le fait de ramener un bienfait. Le bienfait, c'est de ramener la sunna, de dire que tu vas prier avec tes sandales. Sauf que le mal qui risque d'arriver par rapport à ça, c'est que tu vas salir, tu vas rendre tu vas gaspiller les biens et l'argent des musulmans. Parce qu'un tapis comme ça, juste un petit tapis comme ça, c'est comme 5 000 $. 5 000 $. Donc tu vas dire, est-ce qu'on va, à chaque 3 mois, on va être obligé d'acheter un nouveau? Hein? Parce qu'il va être fini. Donc ça, c'est gaspillage d'argent. Hein? Donc, Allah, il n'aime pas le gaspillage. Et il faut voir le bienfait aussi qui en découle. Donc tu dis, le bienfait que si je prie avec les sandales, c'est sûr que c'est un bien parce que tu fais revivre la sunna. Sauf que ce n'est pas une obligation en même temps. Et le méfait, c'est que tu vas gaspiller de l'argent, tu vas ruiner le tapis, et en même temps, tu vas te faire insulter par les gens pour rien. Hein? Tout ça pour vouloir un bien qui n'est pas plus grand vraiment par rapport au mal qui en découle. Donc dans ce cas-là, le mieux c'est d'éviter ça. Et de ne pas vouloir, de ne pas rester sur une position de façon acharnée, absolument vouloir faire quelque chose, alors que tu sais que ça risque de créer plus de tort. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ceci, puis je pense que là maintenant, il va nous rester après ça deux hadiths. Le hadith 91 et le hadith 92 qui seront les deux chapitres, les deux hadiths de ce chapitre qui nous reste par rapport à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va laisser ces deux hadiths là pour le prochain cours, inshallah. Alhamdulillah. Donc subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.